un donjon. Il entendit un grand bruit dans le corridor. Ce n'était pas l'heure où l'on montait dans sa prison. La porte s'ouvrit et le vénérable curé Chélan, tout tremblant et la canne à la main, se jeta dans ses bras. « Ah, grand Dieu, est-il possible, mon enfant, monstre, devrais-je dire ?» Et le bon vieillard n'eut pu ajouter une parole. Julien craignit qu'il ne tombât. La main du temps s'était appesantie sur cet homme autrefois si énergique. Quand il eut repris haleine, « Ô ciel, est-il possible ?» Et le vieillard ne pleurait plus. Il avait l'air privé d'idées. « J'ai besoin de vous voir, mon père !» s'écria Julien, attendri. Mais il ne put plus obtenir de réponse sensée. De temps à autre, M. Chélan versait quelques larmes qui descendaient silencieusement le long de sa joue. Une espèce de paysan vint bientôt chercher le vieillard. « Il ne faut pas le fatiguer, » dit-il à Julien, qui comprit que c'était le neveu. Cet instant fut le plus cruel qu'il eût éprouvé depuis le crime. Il venait de voir la mort, et dans toute sa laideur. Quelque raisonnement qu'il se fit, Julien se trouva attendri comme un être pusillanime et par conséquent malheureux de cette visite. Le lendemain, à son réveil, il eut honte de la journée de la veille. « Mon bonheur, ma tranquillité sont en jeu. » Il y avait 2 mois peut-être qu'il n'avait songé à Fouquet. J'étais un grand sot à Strasbourg. Ma pensée n'allait pas au-delà du collet de mon habit. Le souvenir de Fouquet l'occupa beaucoup et le laissa plus attendri. Fouquet arriva. Cet homme simple et bon était éperdu de douleur. Son unique idée, s'il en avait, était de vendre tout son bien pour séduire le geôlier et faire sauver Julien. « Quel effort sublime chez un propriétaire de campagne !» pensa Julien. « Que d'économies, que de petites demi-lésineries qui me faisaient tant rougir lorsque je les voyais faire, ils sacrifient pour moi !» Toutes les fautes de Français, tous les gestes communs de Fouquet, disparurent. Il se jeta dans ses bras. Jamais la province, comparée à Paris, n'a reçu un plus bel hommage. À son inexprimable ravissement, M. de Frilair lui annonça que, touché des bonnes qualités de Julien et des services qu'il avait autrefois rendus au séminaire, il comptait le recommander au juge. Fouquet entrevit l'espoir de sauver son ami, et en sortant et se prosternant jusqu'à terre, pria M. le grand vicaire de distribuer en messe, pour implorer l'acquittement de l'accusé, une somme de 10 louis. Ce Julien est un être singulier, son action est inexplicable, pensait M. de Frilair, et rien ne doit l'être pour moi. Peut-être sera-t-il possible d'en faire un martyr. Dans tous les cas, je saurai le fin de cette affaire et trouverai peut-être une occasion de faire peur à cette Madame de Rênal qui ne nous estime point. Julien ne voyait plus qu'un événement désagréable entre lui et la mort, c'était la visite de son père. Il consulta Fouquet sur l'idée d'écrire à M. le procureur général pour être dispensé de toute visite.